Yeah. Et made in unity pour les 10 ans. A soldier bees respect. A fire peace et show. Une seule chose des upset, well, c'est leur première place. Si ils savaient comme tout ça. Dès le matin, ils pensent qu'ils ne seront atteints. S'ils savaient comme c'est à certains, aucun homme ne peut être supérieur à un autre homme. Contrairement à ce que leur enseigne ma belle âme, aucune femme ne peut éteindre la flamme. Pour toute la promotion du reggae francophone. You lâche. Enfin la piste c'est ça. Tourne. Une seule chose les upsets. Well, c'est la première place. S'ils savaient comme tout ça nous laisse de glace. Ils sont gueulards, ils sont du père. Ils sont prêts à tuer leurs sœurs et frères. Ils ne jurent que par la violence, la politique du glaive. Font oublier la décence et de poursuivre leur rêve. Rat race pour seul but, la course à la première place comme lutte. Rien d'autre ne les anime, l'altérité ils le réfutent. Ils frappent quand on discute, l'égoïsme en eux comme une tumeur maligne. Première place. S'ils savaient comme tout ça nous laisse de glace. Une seule chose importe, c'est la pole position. Sans aucun doute, sans aucune remise en question. Sans aucune condition. Sur le podium, on veut juste vivre dignement. Fire peace et that, soldier peace, respect.